Attends. Wesh, qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'on a pas fini, on a oublié un truc. Je prends n'importe quel instru là, tu me la mets et je fais un truc juste pour la fin. Au fond, que dire? Les mots m'en échappent. À qui parler? À qui citer? Une chose est sûre, la liste est longue. Si. Inch'Allah, j'espère qu'elle vous plaira la mixtape. Merci à ceux et celles qui vont l'écouter. Désolé du retard. Si, H-E-D-M-A-N. Ce soir je rends hommage aux miens. Pas besoin de citer de nom. Pas besoin de remplir des tas de textes. Je parle à l'instinct. C'est le cœur qui parle. D'ailleurs, les vrais se reconnaîtront. Pas besoin de citer leur nom ici. Ok. J'aimerais par ailleurs remercier à tous mes amis. Marley et MASD. Vous m'avez donné beaucoup de choses que je sais pas comment vous remercier. Toute ma famille qui m'a aidé. Comment vous les rendre? Reprendre ses volets de toute façon, je peux pas. A tous mes frangins, alias Top, Bob, Elmesh, Kader. On avait tous 15-16 ans quand on a commencé à rapper. Respect à RCM. Délire ensemble. LFDM. Ah là là là là. Quelle nostalgie. Quelle amertume. Mais je suis sûr d'un truc. À cette époque-là, on était tous soudés. Solidaires les uns les autres. Au fond de la classe, big up à mes neveux, Izan et Sahel. Dans la cour de récré, à balancer des punchlines comme des petits fadas. Casse dédié à 3WHB, Dias, alias Lester, Maestro DJ Farce et tout le reste. Casse dédié à Farvo 976, Ravo Nickman. Casse dédié à BADS, Sazino et tout ça clique. Zamental Prod aussi, j'oublie pas. Casse dédié à Moutombo de Commer, Coro Park Music, j'oublie pas. Merci la famille, Inch'Allah. À bout de souffle. Merci à ceux qui ont écouté du début à la fin. H-E-D-M-A-N. C'est pas fini, cousin.